trop beau, beaucoup trop beau. Et notre amour, tu le sais bien, il sonne faux, comme un duo de comédiens. Trop grand, beaucoup trop grand, pour être vrai, notre néant, organisé comme un roman d'absurdité, d'absurdité. Aimer, quand c'est un jeu sous le plein feu d'un pauvre lit, pourquoi vouloir y accrocher des paradis? On croit que l'on y croit, puis un matin on s'aperçoit que ce n'est rien qu'un feu de joie qui s'est éteint, qui s'est éteint. Un rien, il suffirait d'un presque rien pour décrocher le grand rideau et s'écrouler le chapiteau. Mais non, mais tu attends, et moi j'attends que l'un de nous trouve le cran de libérer un beau matin ces deux pantins.